Dossier 9. Leçon 1. Relogement. Activité 8. Je me trouve actuellement aux côtés de Monsieur Gomez, un habitant d'une petite localité de la banlieue nord de Paris. Alors, Monsieur Gomez, c'est un peu la promenade du souvenir que vous faites maintenant. Oui, tout à fait. Vous voyez, là-bas, il y avait 3 immeubles. Nous, on habitait dans le premier, tout près du périphérique. On vivait, ma femme, mes 2 enfants et moi, dans un appartement de 55 mètres carrés, au 10e étage. Oh, les pièces n'étaient pas très grandes. Mais on n'avait pas beaucoup de confort. C'était des constructions qui dataient des années 60. Et puis, en janvier 2010, la mairie a voté un plan de modernisation du site et a décidé de démolir ces immeubles avec des explosifs. Boum ! Tout est parti en 3 secondes ! C'était impressionnant ! On a relogé immédiatement tous les habitants un peu plus loin, dans des immeubles de 3 étages, tout neufs. Nous, on habite maintenant au rez-de-chaussée. L'appartement fait 70 mètres carrés environ. Notre séjour donne sur un petit jardin. On a vraiment plus de confort et d'espace. On ne regrette rien.